sentiments, sentiments. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime ma gravure poupée. Aimez-moi à genoux. J'en suis fou. Mène-vous à moi, je vous avoue. Me. Hey.